animation complète. Je suis certain que bon nombre d'entre vous n'auront pas reçu les cadeaux qu'ils attendaient. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas été assez sage et que, au contraire, vous avez été méchant envers votre prochain. Et vous avez eu raison! Nous sommes de retour pour cette première émission de réanimation de 2010. Et moi aussi, j'ai pris des résolutions, et elles sont très simples et dans cet ordre. Premièrement, me débarrasser pour de bon de Sinistros et de tous autres imbéciles qui tentent de mettre son nez dans mes affaires. Et deuxièmement, de me débarrasser de tous et chacun. Voici donc Réanimation, édition rétrospective 2009. Et croyez-moi, c'est bien pire d'avoir un médecin et son assistant, surtout ce soir, parce que ça va chier. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is still our fucking business. We are always undead incorporated, 'cause Pendragon fucking said so. Bande de cons. Go. We'll be right back.

Emparez-vous de vos plus belles tenues de soirée pour un retour remarqué vers les années 40. L'Association générale des étudiants du Collège La Flèche vous convie à son casino annuel, édition Blanc et Or, qui aura lieu le samedi 30 janvier 2010 à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Les billets seront en prévente à 12 $ et 15 $ à la porte. Tous les fonds amassés serviront à supporter l'implication et l'engagement étudiant. Pour plus d'informations, contactez l'AG du Collège La Flèche au 819-375-1357 ou visitez notre page Facebook. Le samedi 30 janvier 2010, les étudiants du Collège La Flèche vous invitent à leur casino annuel. Soyez-y! À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, le projet H2 Cannes ouvre des portes. Art et spectacle, les étudiants en art présentent Au cœur du vide. Sport, 18e édition du tournoi Invitation collégiale Les Patriotes. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile enregistré au Café Carrosse. Ma tante Frère, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de Ma tante Frère tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Tu as pris 10 livres pendant les fêtes? Ta résolution de 2010 est de te mettre en forme? Communo Gym, c'est un centre de conditionnement physique unique qui comporte les services d'un diplômé en kinésiologie, évaluation de ta condition physique sans frais, des programmes individuels, stationnement gratuit et des appareils de conditionnement physique de qualité. Avec Communo Gym, maintenir la forme et la santé à prix abordable, c'est possible. Abonnement de 3 mois, seulement 75 $ plus taxes. Communo Gym, 1060 Saint-François-Xavier, 819-840-0462. Communo Gym. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de réanimation en cette an de disgrâce qui est 2010. Je suis Dr. Pain Pendragon et malgré tous mes efforts et ces semaines de séparation, il est revenu comme un boomerang sinistro. Et je ne vous souhaite pas la bonne année 2010. Moi non plus, va te faire foutre. Et merci beaucoup. Pauvre connard, t'es juste un pauvre connard. Je suis un pauvre connard, mais je l'assume, contrairement à toi qui ne le sais pas. Il n'y a pas plus imbécile que ceux qui ne le savent pas qu'ils le sont. C'est lui qui dit, c'est lui qui le dit. D'accord. Celle-là était forte. Hein? Comment vas-tu? C'est pas pire. Oui. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas pire. Ça coûterait plus cher. Oui, ça coûterait plus cher. Mais quoi que c'est ça qui arrive après le temps des fêtes. Hein? Ah, ben écoute. Mais c'est un foutu temps des fêtes nul à chier. Ah oui? Oui. Ben écoute, moi, ça a été tranquille et puis ça a été... Je dois dire, comme je le voulais. Si je voulais pas avoir de fluff-là, je voulais pas avoir de party qui en finissent plus, mm-hmm. puis de se promener d'un gros, d'un bord à l'autre, de gauche à droite. Non, ça a été très simple et parfait. Ah, nous, on n'a pas eu de party en tant que tel. On est juste allé voir Anonymous, mon oncle Serge, le 29, avec Ultra Vomit en première partie, qui était réellement, réellement rigolo. Là, c'était, ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'était très bon. Ça a été un pas pire party, là, tu sais, dans le fond. Là. Pardon. Justement, des restants de digestion. des restants de party. On vient. Bon, d'emblée, il faut dire que cette émission, cette première édition, est comme à tous les années, consacrée à des moments forts. Métal qui auront suscité et retenu notre intérêt au cours de l'année qui vient de s'achever. Et cette émission ne se veut pas une rétrospective exhaustive de tout ce qui est sorti. C'est pas un top. Non. On a retenu un peu plus d'une vingtaine de formations, donc une vingtaine de pièces. Vingtaine d'albums, mais c'est pas dans l'ordre, là. Non, il n'y a pas de numéro 1, de numéro 2, du premier au dernier, du moins bon, celui qu'on préfère. Dans pas le fond, c'est des trucs qu'on a choisis, on a été obligé d'en mettre de côté, ça nous a fait un peu de peine, mais on n'a pas 4 heures d'émission. Non, c'est ça, il faut faire avec les 2 heures qu'on a. Mais c'est ceux qu'on a retenus, c'est ceux qui nous ont peut-être le plus surpris ou du moins le plus. Qui nous ont rendu l'écoute agréable. Oui, c'est ça. Justement, je vais faire la normande là-dessus, de ce qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre la formation polonaise Vader et la pièce We Are the Hordes, qui est tirée du dernier album Necropolis, qui est paru à la fin 2009 et qui, selon moi, fait partie des meilleurs albums metal à être paru en 2009. Un album un petit peu court, mais un album très, très bon. Juste auparavant, nous avions Slayer et la pièce Psychopathy Red, qui était la pièce de promotion de l'album avant même qu'il sorte. Cet album qui porte le nom de World Paint and Blood, qui est paru sur American. Et ici aussi, je parle d'un des très, très bons albums de 2009. Et selon moi, le meilleur album de Slayer depuis bon nombre d'années. Oui. Selon moi, c'est probablement le meilleur depuis Rain and Blood. Pour moi, présentement, là. Peut-être pas le meilleur. Seasons in the Abyss était quand même assez bien. Ouais, c'est vrai. Mais, par contre, celui-ci est revenu aux racines beaucoup plus 80, un son très 80. Et moi, ça me plaît bien dans le contexte de ce track. On peut s'entendre pour dire que c'est le meilleur Slayer depuis les 4-5 derniers albums. Là. Depuis le début de la décennie, mettons, c'est leur meilleur. Selon moi, facilement. Oui, absolument. Vous avez Lamb of God. Bon, on s'entend que c'est pas nécessairement la formation qui est pour moi la plus emblématique du métal général, mais je dois dire que... Ça reste dans un style... C'est sûr et certain qu'il y a plus de monde qui sont plus aptes à écouter ça, parce que ça passe peut-être un petit peu mieux, là. Que Behemoth ou Vader, maintenant. Ouais, là, effectivement, peut-être, oui. En fait, c'est plus généraliste, mais je dois avouer que l'album Wrath... Oui, c'est un excellent album. Très bon, beaucoup plus métal. Je pense que Lamb of God, depuis les derniers albums, deviennent de plus en plus métal et laisse peut-être un petit peu... Le petit côté core, peut-être un petit peu achalant, là, bon... La pièce que nous avons écoutée étant In Your Words, donc comme je l'ai dit, l'album Wrath qui est paru en 2009 sur Epic. Nous avons Creator, la pièce War Curse tirée de Hordes of Chaos, parue sur le regretté SPV en 2009. Ben évidemment, pas besoin de dire que c'est 2009, ce sont tous des albums de 2009. Bon, ici, moi j'ai une certaine bémol pour le dernier album. Il n'est pas aussi bon que Enemy of God, ça c'est sûr. Il n'est pas aussi bon qu'Enemy of God. C'est un bon album, mais je dois avouer que malgré le fait qu'il y a des très bonnes pièces comme Walker, c'est probablement ma préférée de l'album, je trouve que Creator commence à avoir énormément de redondance dans ce qu'ils font. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'évolution, pas nécessairement, bon, on s'entend que c'est du Creator, donc la composition de la musique est typiquement creatorienne. Si je peux m'exprimer ici. Mais par contre, il n'y a pas d'évolution au niveau du son. Il n'y a pas de finesse apportée à ça. Mmh. C'est vraiment... Ça reste bing, bing, bing. Effectivement. Mais il reste que c'est un très bon album dans l'ensemble. Et pour moi, une des surprises de l'année, je dois dire Sinistrose, parce que d'emblée, je ne suis totalement pas un amateur et encore moins un fan de cette formation-là, Megadeth. Ben là, Megadeth, on s'entend dessus. Ça a pris tout le monde par surprise. Ça, et là, ben, tant mieux. Même ceux qui aiment pas Megadeth ou qui ont des réticences envers le style, tu peux pas dire que c'est pas un bon album ou que, regarde, ça a été un album très surprenant pour 2009. Absolument. L'album étant Endgame, c'est un album, effectivement, qui est arrivé comme un peu sournoisement. Mais c'est possiblement l'album le plus surprenant de 2009. Je pense que, probablement. Oui, je le crois aussi. La pièce que nous avons retenue est This Day We Fight, qui pour moi est une pièce emblématique de cet album-là. Ça ne me fait pas de moi encore plus un amateur de Dave Mustaine, tant que la personnalité. Mais, écoute, est-ce qu'on doit se mettre à détester la musique parce que les musiciens ou le dirigeant du groupe ou le président du fan club de telle band est un trou de cul? Non, on finirait plus. Là. C'est ça. Donc, pour moi, une des grandes surprises, voire révélations de l'année, c'est vraiment Megadeth et la pièce Endgame. L'album Endgame. Effectivement. Donc, c'était mes premiers choix pour ce début d'émission. Maintenant, je pense que Sinistros en a retenu lui aussi une bonne dizaine. Oui. Qui sont probablement tous à chier plus les uns que les autres. Évidemment. Moi, je choisis les pires de 2009. J'avais mal compris. Non, mais c'est normal que dans un team de co-animation, qu'il y ait quelqu'un qui brille un peu plus. Qui ait plus de goût que l'autre. C'est ça. Et que l'autre soit un peu plus fade, voire amer. Mais blague à part, Sinistros, t'as fait 10 choix, et puis j'aimerais que tu nous en parles avant qu'on commence à passer ton premier extrait. Ben, vu que je suis un amateur de black, c'est sûr et certain que mes blocs sont un petit peu plus axés sur le black. Mm-hmm. Puis vu que j'aime le trash aussi, ben, il y a du trash dans mes affaires. Ben, il faudrait que tu te fasses une idée à un moment donné. Ben, hein? Moi, j'aime le black trash. Fait que okay, c'est, le c'est, trash c'est, black. Le trash black, puis ouais. c'est OK, ça. Non, c'est bien, parce que tu vois, Anudo, on va couvrir vraiment, le trash speed, le black, le death, le, je dirais, le black death metal. On va avoir un même bon un petit bout crossover, là, avec, oui, un petit avec bout crossover. Buckle, donc, on va avoir un bon amalgame. Malheureusement, pour les femmes de Power, ben, c'est too bad pour cette année ben aussi. Non, j'ai pas oublié le Power, pas du tout. Pas du tout. Ben non, j'ai du Suffocation. Oui, c'est vrai, c'est assez puissant. Effectivement. On va y aller avec mon premier choix de la soirée. C'est, selon moi, l'album de l'année au Québec. C'est Superior Enlightenment avec l'album The Great Obscurantism, qui est un coup de poing dans le front, là, dans le fond. Là, c'est ça fesse. Ben, donc, est-ce qu'on vient de se tasser un petit peu? Ou... T'es aussi bête de tasser de ton lecteur de CD, parce que quand ça va starter, ben, ça va starter. Bon, ben, allons écouter ça immédiatement. Ben, ça va être beau. On part avec Digital Holocaust, qui est une de mes pièces préférées sur l'album. Let's go. Allons-y. Thank you. Yeah. vous aimez les nouvelles technologies, les gadgets, les sites web, les nouvelles du futur, les critiques, la musique de jeux vidéo et les robots, vous n'avez qu'un seul fichier à télécharger. CNX.zip compresse les collègues technologiques CNX de l'émission du retour assemblage requis. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, en direct les lundis matins dès 10h, à C'est fou. Le service d'aide à l'emploi du service aux étudiants de l'université est fier de vous présenter la journée de carrière 2010 de l'UQTR. Le mercredi 27 janvier 2010 au CAPS, de 10h à 16h, venez rencontrer de nombreux représentants d'entreprises de domaines très variés, des organismes et organisations offrant des emplois aux étudiants finissants et diplômés de l'université. Des entreprises de la région, de la province et du pays seront sur place. L'événement est organisé pour les étudiants finissants et diplômés de l'université, mais il est également ouvert à la population. L'activité est tout à fait gratuite, sur place aussi, prix de participation pour les étudiants de l'université. C'est donc un rendez-vous avec Curriculum Vitae, sourire et dynamisme. Cette année, du 18 au 21 janvier, le plus gros événement du campus de l'UQTR, le Carnaval étudiant, réunira les personnages animés qui ont émerveillé notre enfance. Mickey Mouse, Blanche-Neige, Lucky Luke, Peter Pan, la petite sirène et les autres. Pour vous inscrire, www.uqtr.ca/carnaval. Pour cette édition, c'est sous le signe de l'enchantement que nous vous donnons rendez-vous. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Aucune idée. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com. C'est fou, Don. Mon char! 89-1-1-1. 22h01 précisément, Sinistro. Pas ça déjà? Va beaucoup trop vite. Pas déjà. Mais pas déjà. Il y a déjà à moitié du... De mon calvaire est terminé. Ton calvaire est terminé, oui, c'est ça. Effectivement. Shoot to kill. Shoot to kill, c'est bon. Hein? Ah oui? Ah, OK, il faut que je les envoie. Ben, je sais pas. Eh bien, on vient d'entendre. Il est allé me regarder, on a dit, tout en extase. Bravo, Pendragon, t'es capable. Lâche pas. Je m'attendais à une autre écœurentrie de ton ouais, propre ben, cul. On commence l'année. Okay. Je te ruile tranquillement, là, parce que là, t'es rouillé un peu. Là. Un petit peu. Ouais. On vient d'entendre Razor of Occam avec la pièce Day of Rat tirée de l'album Hommage to Martyr. Très bonne formation. Ça a été une de mes surprises de 2009. J'ai bien aimé. C'est excellent. Mm-hmm. On a eu la formation québécoise de Sire avec Laïc et Souverain tiré de l'album Résistance, qui est un très bon album. Il n'est pas aussi bon que les autres avant, mais... Ben, moi, je trouve... j'ai un peu de misère avec la consonance francophone. Ouais, ben c'est ça que tu me disais l'autre fois. Ouais. Ben, c'est pas grave. Ça, c'est juste toi, ça. Ben, c'est déjà pas pire. Déjà pas mal, mais... On a eu la formation suédoise Life Lover avec la pièce Androider tirée du mini-album Decadence qui est excellent. Selon moi, c'est leur meilleure parution jusqu'à maintenant. C'est une très belle surprise pour 2009. Ouais, un amalgame de... D'alternatif New Wave années 80 avec, ouais, avec, mais c'est très, très torturé, là, uh-huh, tu sais. Le chanteur, il est style à s'auto-mutiler, là, tu sais, avec des lames de rasoir, puis il est trop content. Pour passer le temps. Ben, juste passer le temps, ouais. Entre deux films de ciné-quiz. Tu sais, il a pas compris, lui, que s'il veut en finir, tu mets ton toaster, puis oublie pas de le brancher, puis crisser dans le bain, tu sais, ça va. Puis idéalement, quand t'es dans le bain. Quand lui, ouais, c'est ça. Non, mais faut te mettre de l'eau aussi, ça aide. Ouais. Il y a des éléments qui lui manquent. Hein? Peut-être, hein. Il a peut-être essayé de se couper avec une cuillère, ça a pas marché. Ou un rasoir électrique. Exactement. On a eu la formation américaine Absou avec l'excellent album Absou avec la pièce Nightfire Canonization qui est un excellent album. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est excellent. Ouais. Selon moi, c'est pas mal la meilleure de la formation, ça aussi. C'est une très, très grande surprise. Et on a eu le meilleur album québécois. C'est la surprise de l'année au Québec. Avec Superior Enlightenment, avec la pièce Digital Holocaust tirée de l'album The Great Obscurantism. C'est bien, c'est bien. Et comme nous le disions lors de la première intervention, il y a bon nombre d'albums qu'on ne peut malheureusement pas se permettre de passer faute de temps, mais on va quand même en faire l'énumération d'albums qui. Mais c'est des albums qu'on aurait aimé passer. Qu'on aurait aimé passer. Faute de temps, il a fallu qu'on fasse un tri. Tout à fait. Samael, l'album Barve, qui est très bon. Oui, oui, excellent. Pestilence et Resurrection Macabre, qui est un très bon album de trash et contenu. Mais trash, on dirait qu'il y a du Depth, du Black trash c'est 20 ans plus tard, le dernier album ouais, aussi. C'est quand même bien. Là. On est Palm Death avec Time Waits From No Slave, qui est un album que probablement les auditeurs me connaissant sont surpris que je n'ai pas passé, mais j'avais des choix à faire. C'est et ça, puis bon. C'est ça. Comme on a dit tantôt, ben là, y a des fois, il y a des choix qui sont plus déchirants que d'autres. Exactement. Heist et l'album Deep Within the Core. Oui, Heist, formation sherbrooquoise, avec laquelle j'ai eu plaisir de fouler le... Le merveilleux stage. Tout à fait. Et j'étais présent. Hopeless Nation, Built from Scratch. Ben, c'est le même soir, en plus, le avec Hopeless. Soir, effectivement. Ouais. Belphégor, formation étrange et, je dirais, un petit peu disparate, mais quand même, l'album Valpurgis Rites est quand même assez intéressant. Un grand retour pour moi qui était inattendu aller jusqu'à il y a un certain nombre de mois et que j'ai reçu il y a quelques semaines. Sacrifice. Ben formation. Oui, la vieille formation. La vieille garde torontoise, la formation originale Sacrifice et l'album The Ones I Condemn. Puis est-ce qu'il est bon? Il est excellent. Ils ont laissé là où ils ont laissé il y a 20 ans. OK, dans le fond, ils ont fait pause à l'époque, puis ils viennent de se réveiller. Ils sont revenus de catatonie ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je me propose de faire un spécial sur ce dernier album. J'aurai quelques nouveautés, moi aussi, la semaine prochaine. C'est bien. On a Mastodon, Crack the Sky, qui est un très bon album, par contre, qui est beaucoup plus progressif. Je l'ai pas aimé, moi, cet album-là. Je te dirais que c'est pas ce qu'on nous a habitués à Mastodon. Il y en a une toune là-dessus, là. Bon, c'est tellement long, t'as l'impression, c'est hypnotisant, à un moment donné, tu viens que... C'est un album très, très conceptuel et progressif. Mais bon. Mais moi comparé à Léviathan, le jour et la nuit. Ça marche pas en tout. Non, c'est le jour et la nuit. Candlemass, The Magic Doom. Ça, c'est un choix déchirant, mais. Effectivement. Je trouvais que ça se prêtait pas trop avec le restant de ce qu'on dit. C'est plus Doom, là. Va l'album Infini. Qui est un bon album. Il est meilleur que 14, là. Il est meilleur que 14. C'est un bon album, mais c'est Voivod. Ben, c'est Voivod. Bon. Une belle révélation, en fait, pour moi, je pense pour toi aussi, Obtenebrist. Qu'on a reçu ici en studio. En studio avec l'album Dust of Time, très bon album, qui vont jouer d'ailleurs le 14 février prochain au Foufounes Électriques en compagnie de Martyr. Testament, The Formation of Damnation, qui est un bon album de trash, qui est un bon retour aussi pour Testament. Celle-là, je ne l'ai pas écouté du tout. Moi, je le trouve très bon, qui... pas à la mesure de Gathering, pas du tout, mais qui est un très bon album de trash. Et là, par contre, je dois vraiment dire un coup de masse pour moi qui a été très, très... Obituary et Darkest Day, qui pour moi est un album excessivement décevant. C'est un album que je ne conseille pas à personne, mis à part la première pièce, mais qui est tellement peu surprenante, malgré qu'elle est bien, qu'on s'en lasse rapidement. Faudrait dire aux auditeurs que c'est jamais dans nos habitudes de descendre un album les ondes. Parce que tu dois l'avoir haï. Je l'ai pas aimé, Sinistros, mais vraiment pas. Puis je l'attendais, cet album-là, parce que Executioner Song m'avait légèrement déçu. Je m'étais dit, bon, ils vont sûrement se reprendre. Non, ils ont encore droppé une coche plus bas. Bon. Ils sont peut-être en train de débouler les escaliers. Ben, le dernier album, le troisième avant-dernier album qui célébrait leur retour, Frozen in Time, le disait bien. Là. Il avait été congé dans le temps, mais je pense qu'ils sont pas totalement défreezés. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. Côté cinéma, il y a eu d'excellentes choses qui se sont faites. Il y a eu d'exécrables choses aussi. Choses qui se sont faites. Moi, ce sont mes choix au niveau des sorties de films d'horreur 2009. Il y en a eu plein qui sont sortis. Mais bon, c'est personnel et c'est subjectif, bien entendu. Moi, il y a Drag Me to Hell de Sam Raimi qui m'a énormément plu. The Haunting in Connecticut de Peter Carwell, qui, moi, m'a vraiment, vraiment emballé. Dead Snow de Tommy Wirkola, qui est un film étranger de zombies nazis, totalement inattendu, très déjanté comme film et qui est vraiment intéressant. Il y a Saw 6 et non pas Saw 6. Saw 6. Ouais, Saw 6, qui est un très bon film qui. Bon, ça doit rester drôle dans la lignée des ça autres. Ça reste dans la lignée. Si on aime les films décadence, les films ça. J'ai vu rien que le 4, moi, finalement. Bon, ouais, c'est pas le meilleur. Mais c'est des films qui sont cool. Hein. Zombieland de Ruben Fleischer. C'est-tu bon, Zombieland? C'est super bon. C'est super bon. Je vais aller voir ça au cinéma avec les kids petit peu avant le temps des fêtes. Si t'avais aimé Shaun of the Dead à l'époque. OK, c'est le même principe. C'est le même principe, mais beaucoup plus éclaté. OK. Puis plus plein, là. Ça, c'est un très bon film. Au niveau des films d'horreur, pour moi, les pires. Underworld, Rise of the Lycans, qui est un flop phénoménal. Le remake. Tu vois, regarde, moi, c'est drôle. J'ai écouté. J'ai pas vu celui-là encore. J'ai vu Evolution. Ah, c'est pourri. C'est pourri. C'est vraiment. Hey, puis, le pire, c'est que le DVD que j'avais commence à l'écouter en français. Puis la synchronisation était même pas bonne. Enfin, si on va mettre ça en anglais, c'était pire. Ah ouais. C'était épouvantable. Elle tirait un coup de gun, tu voyais le gun partir, puis t'entendais le son, on verrait 30 secondes après. Il n'y avait rien pour ça. Non, ben écoute, Rise of the Lycans est même quand même une coche supérieure de Evolution, mais il n'est pas bon. Fait que, OK, fait que moi, laisse ça faire. De quoi de très décevant, le remake de Friday the 13th, qui est... Ah si, je l'ai pas vu, je l'ai pas écouté. Peu importe ton temps, c'est pas bon. The Grudge 3. Qui est vraiment pas bon. The Grudge, l'original, en fait. Ben, c'était pas si pire. C'est très bon, c'est très bon. Le deuxième était ordinaire, le troisième est vraiment à chier. Un autre remake d'un film culte, The Last House on the Left, qui est pourri. Ouais, c'est pas bon, ça. Ah, non, non. The Devil's Tomb, qui est. Je lisais les critiques dans des revues, il l'encensait, c'est vraiment nul à chier. Et un film, c'est indie, c'est Crawley. Qui veut un peu l'histoire et le retour d'Aleister Crowley. Tu l'as écouté en fin de temps? Ah, c'est pas bon. Pas bon? Non, c'est pas bon. Très bon film de science-fiction, par contre, Star Trek. Le nouveau Star Trek. Je l'ai pas écouté encore, j'attends. C'est un des top. Terminator 4, Salvation, très bon. Tu m'en as parlé la semaine passée, je pense. Oui, c'est très bon, très différent, mais très bon. X-Men's Origin, Wolverine. Oui, là, j'en ai écouté rien que la moitié, mon DVD a fucké. Très bon film. Et puis, un remake d'un film des années 50 de Day the Herd Stood Still de Scott Derrickson avec, entre autres, Ken Reeves. C'est un très bon film de science-fiction qui se veut très, très fidèle à l'original. Film de science-fiction, deux films de science-fiction que j'ai trouvé absolument martelants, mais abrutissants et complètement pourris. Transformers 2. Je me suis endormi dessus. Ça prouve. Et G.I. Joe. Ah, ça, j'ai pas osé tester là-bas. Écoute, moi, j'ai pas osé. C'est par acquis de conscience, je vais tous les voir, là, mais c'est pourri. Film, catégorie un peu confondue, action, drame, fantastique, Sherlock Holmes, excellent. The Guy Ritchie, nouveauté avec... Jude Law, puis l'autre, c'est... Iron Man, là. Robert Downey Jr. Oui, c'est ça. C'est excellent, excellent. Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Oui. Très, très bon, très bon. Bon, je suis vendu. Faut aimer lire les sous-titres, là. Il faut aimer Tarantino. Ça dit tout. Knowing d'Alex Proyas avec Nicolas Cage, c'est un bon film. Oui, oui, oui, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé. La fin, c'est un petit peu. La fin est un peu cucu. Un petit peu. Mais le film est bon. Mais c'est parce que. Ma douce, ça m'expliquait que le livre puis le film, c'est pas la même affaire. Ben, c'est toujours. Il explique que dans le livre, il parle des chevaliers de l'Apocalypse, une gros quête complète. Dans le film, il explique pas ça. Moi, j'ai pas lu le livre. Là, okay. J'étais là. Tu sais, c'est quoi le rapport? Ça me comptait ça. C'est quoi? Ça n'a pas rapport avec les chevaliers de l'Apocalypse. Si t'as vu des chevaliers de l'Apocalypse là-dedans. Non, c'est ça. On a pas, ils sont même pas mentionnés. C'est ça. Un bon film d'action, Pride and Glory, des frères O'Connor. C'est un bon film d'action du milieu policier. Je le recommande à tous ceux qui aiment les films policiers dans lesquels il y a beaucoup de corruption. Bon, bref, il y en a encore des dizaines de films qui sont sortis, voire des centaines. Il y en a vraiment des navets, il y en a toutes les sortes. Il y en a qui ne méritent même pas d'être mentionnés. Mais bon, c'est encore subjectif, évidemment, mais c'était des choix pour moi. Passons maintenant aux nouvelles du sport. Et oui, le Canadien mène 3 à 2. Non, c'est pas vrai. C'est impossible, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Et c'est de la mauvaise science-fiction. Continuons musicalement avec, cette fois-ci, mes choix à moi. Faut-on retourner dans la continuité de tes choix. Ouais, effectivement, la continuité de mes choix. retournons dans un, si on veut, dans un mode un peu plus death metal, bien entendu, parce que, bon, on se cache pas, je suis avant death metal, death c'est metal pour les metal, sous. Ouais, c'est la suite de Def Leppard. Ok, irk, irk. Parce que faut le dire comme ça, hein, le TH, c'est un. Je trouve ça un petit peu chier à dire, mais bon. Faut le dire comme ça. On va dire du death metal, c'est du. Ouais, mais du death metal, ça, c'est un groupe qui s'est endetté avec son album. Ouais, c'est ça. On va entendre, la première information que j'ai retenue est une formation qui est boudée par plusieurs. C'est assez, je dirais. Dans l'ensemble, c'est un peu botché, mais moi, j'adore ça, c'est Six Feet Under. C'est... Tous les goûts sont dans la nature. Tout à fait. Mais j'aime ça, c'est très gore. Puis je sais pas, il y a un petit charme là-dedans que j'aime. Bon, entendre bien sûr du Cannibal Corpse, du Brutal Truth, qui est un album qui est excessivement intense. Du Suffocation, du Rotting Christ. Le dernier album est tellement bon. Ben, j'ai trouvé ça spécial. Ah, moi qui n'aime pas le death d'habitude, surtout le brutal, là, j'ai trouvé ça... Puis bien sûr, Behemoth. Ben là... Mais tout de suite, Six Feet Under avec None Will Escape. C'est tiré de l'album Death Ritual qui est paru en 2009. Mais c'est-tu 2009, t'es sûr? Non, c'est vrai, c'est paru en 1969. Ah, d'accord. À l'époque où ils étaient hippies, cons et drogués. C'est pour ça que ça sonne. Maintenant, ils sont simplement metal, cons et drogués. C'est tout. Six Feet Under. attempt to defend against the first immortal vulture. Four of them with fire make them burn in the flames. Somehow they continue to mourn. Murderers, savages, how dare you apart? They'll eat your fucking guts and your brains.

Et mon petit garçon. Pauvre connard, t'es juste un pauvre connard. Ouais, mais c'est le pire, c'est que c'est vrai. On vient d'entendre les tout-puissants Behemoth et la pièce Daemonus, qui est la pièce d'ouverture du dernier album Evangelion, qui est paru sur Metal Blade. C'est un excellent album. Pour moi, il est un petit peu plus faible que le précédent. Mais c'est un très bon album. Et c'est un groupe qui est vraiment, je dirais, phénoménal. Je vais t'avouer qu'Evangelion, je ne l'ai pas écouté au complet encore. D'accord. Bon, ben, ça manque à ta culture. Ben. L'Apostasie est supérieure, selon moi. Mais écoute, c'est un groupe que je qualifie, je l'aurais dit, de phénoménal. En si peu de temps, ils ont gagné une notoriété qui est assez impressionnante. Bon, peut-être pas auprès des grands ballets canadiens, là. Et du ben, on ne sait jamais. Mais. Il me semble qu'être le look, il me semble que ça fitrait. Ouais, c'est. Ouais, les grands ballets Destroy canadiens. Mais c'est vraiment. C'est les grandes balayeuses canadiennes. Les grandes balayeuses, c'est ça. Juste auparavant, nous avions Neil. Neil. Neil Armstrong. Neil. Non. Neil. Neil. Le Neil. Et une pièce tirée de l'album, dernier album qui est paru il y a quelques semaines, je dirais plutôt quelques mois, Those Whom the Gods Detest, paru sur l'étiquette Nuclear Blast. La pièce était Eat It Dong Incantation. C'est un album encore très axé sur le culte de l'ancienne Égypte, bien entendu, mais c'est un très, très bon album. Et ici encore, je dois dire que Etifalik était légèrement supérieur, mais quand même, c'est un très bon album pour Nile. Rotting Christ, la pièce Enuma Elish, l'album Théogonia, paru sur Seasons of the Mist. C'est un très, très, très bon album. Formation grecque. Cet album de Rotting Christ est une valeur sûre, absolument. Suffocation, l'album Bloodhound, qui est paru il y a pas très, très longtemps, sur Nuclear Blast, la pièce Dismal Dream. C'est un des bons albums de Suffocation. Il me plaît bien. La production est supérieur à ce que j'ai entendu. C'est un petit peu plus plein parce que Suffocation, ce que je leur reproche généralement, c'est de sonner un petit peu vide. Mais celui-là, donc ils ont comblé quelques trous en mettant un peu de glaçage ici et là. Brutal Truth, on va en faire abstraction. On n'a pas vraiment le temps. C'était la pièce Get a Therapist, Spare the World, qui est tirée sur l'album Evolution Through Revolution, qu'on retrouve sur Relapse. C'est un album excessivement intense. Si vous aimez le grind boosté aux stéroïdes, c'est pour vous, Brutal Truth. Du grind boosté aux stéroïdes, si bois. Ouais, c'est pas reposant. C'est pas reposant. Cannibal Corpse, le très bon album Evisceration Plague, paru sur Metal Blade, la pièce Shatter Their Bones, c'est un très bon album. Encore là, je dois dire, le précédent Kill était supérieur, mais bon, Evisceration Plague, c'est une valeur sûre. Et Six Feet Under, la pièce None Will Escape, tirée de Death Ritual, paru sur Metal Blade également. C'est pour les amateurs de Six Feet Under. Pour toi seulement? Peut-être. OK. Pour trois autres aussi. Bref, ceci étant dit, Sinistros, il en incombe à toi de fermer cette séance. Ben, j'aurais pas le choix de skipper quelques petites pièces. Ben, on s'en porte. Parce que toi, t'es en métro, c'est pas grave. Ben, c'est moi le roi. OK, c'est beau. J'avais choisi Immortal, Old Man Child, Skeleton Witch, Swashbuckle et Warbringer. C'est sûr que je mets Immortal puis Old Man Child. Et je choisirai selon le temps qui nous reste parmi les trois autres avant de terminer l'émission. D'accord. Eh bien, allons-y de ce pas avec Immortal. Avec Odds of War tiré de l'album All Shall Fall. Go! Eh bien, on est tellement bon prince qu'on a finalement décidé de continuer la rétrospective 2009 la semaine prochaine parce qu'on a oublié trop d'affaires. Il y a trop de bandes qu'on peut pas passer sous silence. C'est en plein ça. T'sais, rien que ce qu'on a nommé tantôt, on était là, on se regardait, puis ouais, puis là, déjà, moi, faut que j'en skip deux, t'en as skippé une, plus le listing qu'on a, plus un paquet d'autres, puis on a décidé d'arrêter On se cassera pas la tête, on fait une extension la semaine prochaine pour la partie 2 de cette rétrospective 2009. C'est cela. Fait que, regarde, on pourra pas se faire accuser d'avoir oublié des bons bandes. Non, c'est exactement ça, fait que, on pourra peut-être se faire accuser d'avoir oublié des bons bandes, mais peut-être que pour nous autres, parce qu'ils sont pas bons. C'est ça. Mais inquiétez-vous pas, il y aura pas plus de power la semaine prochaine. Non. On vient d'entendre Old Man's Child avec la pièce de Crimson Meadows, les prix cramoisis. sur l'album Slave of the World. Tout juste avant, c'était Immortal avec Hordes of War tiré du excellent album All Shall Fall. Ah, ça rentre. Hein? Oh, ça rentre. Moi, j'aime bien ça. Ouais. J'adore ça. Pour cette semaine, je vais skipper Skeleton Wish puis Warbringer que je vais mettre la semaine prochaine. Mais je pouvais pas passer sous silence leur coup de cœur de l'année 2009. Ouais, t'as vraiment accroché là-dessus. Moi, ça m'a fait. Moi, tout le concept des pirates, le gros buzz au complet, ça m'a fait triper, là. Swashbuckle. Moi, j'aime bien. J'ai downloadé le premier album aussi, tu sais, pour voir que ça avait de l'air. Puis là, c'est sûr et certain que je suis vendu. Moi, je me ramassais la discographie au complet, puis les t-shirts, le gros kit, là, c'est trop les drôle. Les t-shirts. Ah ouais, c'est trop comique. Parce que ce qui est le fun avec eux autres, c'est que. Ils vont jouer des tunes super hard, mais entre les tunes, il y a des petites chansonnettes. C'est vraiment spécial. Ben, c'est super drôle. C'est probablement leur petit penchant pour plaire à tous. Un côté pour les grands, un côté pour les petits. Oui, mais c'est ce que tu t'aperçois quand ils font leurs petites chansonnettes, c'est que ces gars-là, ils savent jouer en tabarcelage. Non, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. Effectivement, c'est... c'est pas des deux de pique, là, tu sais. C'est des gars qui se prennent pas trop au sérieux, mais qui font du produit de qualité. Oh, oui, ils savent jouer. Ouais. Fait que j'ai choisi la pièce Scurvy Back, tirée de l'album Back to the Nose, qui est mon coup de cœur définitif de 2009. Bon, écoute, c'est bien que tu le dises. La semaine prochaine, je vous dévoilerai quel est mon coup de cœur officiel de 2009. Toute forme de métal confondue. Et on va se quitter là-dessus. Donc, Sinistros, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cette rétrospective 2009. Et en attendant, je ne sais pas si tu as des salutations spéciales à faire à quelqu'un ou à plusieurs personnes. C'est pas le temps de le faire. Pas en tout. Ceux qui ont d'affaires à savoir des salutations, vous reconnaissez. Moi, je vais remercier tous les auditeurs de l'animation. Tower, avec son... La gang de Poêle Online. Tous ceux qui... Ils ont été fidèles à réanimation. C'est ça que je dis. Ceux qui ont d'affaires à se faire remercier. Ils étaient là 2009. Moi, je pense que ça vaut la peine de dire que vous êtes tous des hosties de pourris d'écouter ça. Gang de cave. C'est même pas bon ce qu'on fait jouer. Non, mais réanimation 2010. Ça va être pire. Ça va être de plus en plus plate. Ben oui. C'est ça. C'est le but. En espérant que 2010 soit aussi plate que 2009 en termes de métal. Non, mais écoutez, à tous ceux qui sont des fidèles auditeurs de réanimation et les nouveaux, vous êtes toujours les bienvenus. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là et qu'on met de la musique pour vous autres. Vous vous gênez pas, vous contactez soit Sinistros, soit moi via courriel. Allez voir sur le Facebook, tapez réanimation. Oui, parce que Tower a parti le fan club de Reanimation. Il y a vraiment le groupe officiel sur Facebook. Fait que c'est la meilleure place pour avoir les dernières nouvelles le plus rapidement possible de notre part. Donc, quittons-nous sur Swashbuckle et Scurvy Back. Allons-y! La semaine prochaine pour la deuxième partie du spécial 2009. Allez tous vous faire foutre. Go!